Si j'avais de l'argent, je t'aurais invité au restaurant. À la place de l'autre, et à la place de l'autre, je t'aurais baisé. Je t'aurais baisé. La la la la la. Je t'aurais baisé. La la la la la. Je t'aurais baisé. La la la la la. Si j'avais de l'argent, je t'aurais invité au restaurant. À la place de l'autre, et à la place de l'autre, je t'aurais baisé. Je t'aurais baisé. La la la la la. Je t'aurais baisé. La la la la. Je t'aurais baisé. La la la la la. La la la. Mais je n'ai pas d'argent, et c'est un chimiste qui va te baiser à la place de l'artiste qui t'écrit des chansons et qui continue à chanter pour toi alors qu'il n'y a plus de musique. Tu vois ça, c'est fort, et je peux continuer très longtemps comme ça à chanter pour toi, même a cappella, jusqu'au bout de la nuit, mais quand même pas non plus. De toute façon, je vais y aller, faut que je me fasse à manger après cette belle journée. Et même ce matin, je t'ai embrassé sur la bouche pour de vrai, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, le sujet, c'est mon cassoulet. Cassoulet.